Elle ne veut pas d'un bad boy, mais j'en suis un, on fait comment? Le cas noyé dans l'alcool, et j'y repense dans le bâtiment. Tu sais, je dois faire de l'argent, donc me parle pas de sentiments. Tu prends ta fume, ton paquet de feuilles, puis tu t'arraches gentiment. Je veux faire le tour de ma zone, dans mon secteur, je ne tranquillement. Et pour une meuf, il s'affole, ils vont couler dans pas longtemps. T'es mon frérot, je t'assume, même si tu plongerais 14 ans. Pour qu'à Vodex, ça t'encule, la rue c'est tardi, c'est violent. Un tireur qui t'a arrivé, il joue pas de violon. Je vois des vendeurs, guetteurs, quand je suis dans le ghetto. Quand t'as mangé des miettes, je partagerai mon gâteau. Je veux qu'on tape au poignet de Philippe Patek. Chiron prend sur toi comme la croix sur la plaquette. Râle et souris, je passe les vitesses au palais. J'ai fait un tour pour ma dernière, il faut un palais. Elle t'a dit qu'elle dormait, moi je l'ai vu turquer au palais. Le conseiller d'orientation va bien niquer ta mère. Dans deux ans pour 30 minutes, ton père a 15 fois ton salaire. Mon ex essaye de me salir, qu'elle aille bien niquer sa mère. Pas dans le rap, je ferais bosser ton petit frère. Je t'ai tué des brouillards, j'ai jamais appelé mon grand frère. Pas d'arron à la maison, je donnerai tout à ma mère. Je ne veux pas de la gloire, les strass, les paillettes, ça c'est éphémère. Ça redémarre, ça tire, y'a des morts. Comme dans le 1-3, le sang va niquer tout des morts. 0 pour une meuf, 2 millions pour ma soeur. 0,9 dans le pochetard, 80 euros dans ton petit couteau. T'as un coup de bol, si t'évites le coup de couteau. Je prends pas la grosse tête, je ne refuse jamais de photos. Toujours au quartier, cogne, je ne fais pas de fête. T'es un animal, mais moi je me refuse pas d'être. Si je t'arrive ici, on part cet été. Je suis en GP800, y'a deux folles en audit d'été. Rabat dans TTR, en troisième je suis pépère. Là je pense à dormir, mais bigosson, il faut que je parle du cerf. Hein? En pleine ascension et bien entouré, avec la dalle, la détermination, ça va finir par péter. Que tu le veuilles ou non, mon pote. En tous les cas, l'avenir il est tracé, c'est déjà écrit. Choisis bien tes proches. Ils rempliront bien tes poches. De toute façon, on parle que de ça, hein.